Je suis sur une route à double sens de circulation. La ligne discontinue autorise le dépassement. Lorsqu'on suit un véhicule, on doit être en feu de croisement. La voiture que l'on veut dépasser est en feu de route. J'allume mes feux de route quand je suis sûr de ne pas éblouir l'automobiliste dans son rétroviseur extérieur gauche. C'est ensuite à lui de passer en feu de croisement pour ne pas m'éblouir. Dans cette situation, pour le moment, je ne passe pas en feu de route, il est encore trop tôt. Réponse B.